Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1981, l'écrivain, mais aussi photographe, Hervé Guibert publiait aux éditions de Minuit L'image fantôme, un livre de photographie sans photographie, dont l'écriture avait été déclenchée par le regret de photos ratées. Il y écrivait ceci. Donc, ce texte n'aura pas d'illustration, qu'une amorce de pellicule vierge. Et le texte n'aurait pas été si l'image avait été prise. L'image serait là, devant moi, probablement encadrée, parfaite et fausse, irréelle, plus encore qu'une photo de jeunesse. La preuve, le délit d'une pratique presque diabolique. Plus qu'un tour de passe-passe. Car ce texte est le désespoir de l'image, et pire qu'une image floue ou voilée, une image fantôme. Pour présenter l'image fantôme, Hervé Guibert, qui signait alors depuis plusieurs années des critiques photographiques dans le journal Le Monde, était sur France Culture l'invité de Gérard-Julien Salvi dans un numéro de Démarche du 24 octobre 1981. Démarche, Gérard-Julien Salvi, Hervé Guibert. Hervé Guibert vient de publier L'image fantôme aux éditions de Minuit. Pense-t-on lorsqu'on photographie ? Ça dépend quel type de photographie on prend. Enfin, si on prend des photos dans la rue, je pense, ou si ça dépend entre les photos de hasard, comme ça, qui vous sautent aux yeux, et des photos un peu plus préméditées. C'est plutôt ces photographies-là, moi, qui m'intéressent, c'est-à-dire les photographies qui ressemblent à... qui s'approche d'un sentiment ou de quelque chose qu'on veut exprimer, ou les photographies des gens qu'on aime, toutes les photographies sentimentales, quoi. On cherche à ce moment-là que la photographie ressemble le plus possible au sentiment, quoi. Enfin. Est-ce que c'est là qu'on dit qu'une photographie est réussie ? Ah, ça, oui, enfin... Pour moi, quand il m'arrive de faire rarement des photos, c'est... Oui, mais ce qu'il y a le problème, c'est que souvent les photographies sont surprenantes et sont... Ça, c'est un peu les mystères de la technique. Il y a des photos qui sortent bien meilleures que ce qu'on en attendait. Et on est toujours un peu doublé par son appareil, quoi. Et aussi, il y a des photos qu'on espère, enfin, dans lesquelles on met beaucoup d'espérance et qu'on n'arrive jamais à faire. Il y a une impossibilité à les faire. Qu'ont de commun ces photos qui échouent ? Je sais pas, c'est peut-être des photos trop impossibles, hein. Trop profondes, trop, je sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'une photo profonde? Peut-être une photo qu'on désire trop, enfin, je sais pas. Une photo irréalisable, une photo... Que regarde-t-on lorsqu'on regarde des photographies? Ou que regardez-vous lorsque vous regardez des photographies? Je cherche à avoir un peu de plaisir, je sais pas. Je regarde... Ça dépend quel type de photographie. Ça peut être des paysages, ça peut être des visages. Ça... Lorsque vous allez dans une exposition de photographie, comme vous êtes amené à le faire, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous cherchez? Des images qui me plaisent, qui me disent quelque chose. Ça peut être très bien des visages inconnus qui me semblent mystérieux, que j'essaye un peu de deviner, auxquels j'essaye de, sur lesquels j'essaye de greffer des histoires. Mais ça peut être aussi des paysages que je regarde pour me détendre, enfin, pour avoir comme ça. On regarde les visages et on se détend dans les paysages. Je sais pas, où on désire des visages, où on est accroché par des visages, ou des paysages, oui, je sais pas, je demande autre chose à une photo de paysage qu'à une photo de visage. C'est-à-dire, si vous pouvez expliquer un petit peu l'itinéraire. Ben, un paysage, je sais pas, on essaye de s'y inclure, de s'y projeter, savoir... je sais pas si on y serait bien ou... Il y a des jolis paysages, il y a des... C'est informatif alors, c'est comme un paysage dans un catalogue, quand on veut louer une maison ou des choses comme ça. Oui, on regarde si ça doit être bien. Aussi des paysages de lieux dans lesquels on rêve d'aller, enfin tout le côté des revues comme ça, géographiques, de voyages, c'est très... Des paysages jolis quoi, enfin c'est simple. Nous avons, pour évoquer des visages, des sortes de diapositives mentales, plus ou moins immédiates, plus ou moins floues, plus ou moins passées. Nous avons dans la tête, juste derrière les yeux, là où il semble y avoir un autre écran, des paniers, des magasins de clichés, plus ou moins familiers, plus ou moins prêts à fonctionner, et puis des magasins plus éloignés, au perché, où nous allons de temps en temps chercher une diapositive plus ancienne et un peu oubliée. Un visage qui glisse imperceptiblement de l'autre côté avant de tomber tout à fait dans une trappe ou dans un feu. Et parfois, nous ne retrouvons plus la diapo. Nous n'avons plus que son numéro de magasin, mais elle est égarée. Nous n'avons plus qu'un nom. Alors nous repassons en revue tous les clichés du même magasin qui n'ont pas été perdus et nous tentons de recomposer l'image sacrifiée à force de superposition, de recoupement. Mais parfois, ce n'est plus rien de tangible qui apparaît, ce n'est plus que la forme d'un nez, comme un vilain postiche, ou bien une seule inflexion de voix, comme les notes d'une boîte à musique à demi cassée, ou bien la seule couleur des cheveux, le souvenir d'un habit, une très vague odeur, toujours diaphane ou pourrissante. Ce n'est plus qu'une image très floue et incomplète, douloureuse dans l'effort qu'elle réclame, dans ses supplications de réexistence. Ces clichés sont des sortes d'abstractions, de certitudes d'existence, de sympathie ou d'antipathie. Ce ne sont pas vraiment des gros plans, mais plutôt des miniatures de gros plans, comme les têtes desséchées de Kabyle. Ils sont aussi comme la vibration de la dernière vision, les dernières bribes de voix qui résonnent dans le silence, juste avant le sommeil. Thank you. Est-ce que pour écrire sur la photographie, il faut soi-même photographier ? Non, je pense pas. Pas forcément, il n'y a pas de règle, je pense. Alors pour vous, quels sont les liens entre les deux, puisque vous faites beaucoup l'un et un peu l'autre ? Ben oui, je suis amené donc à écrire, à voir un peu des photos toute l'année, et à faire des comptes rendus. Mais... je sais pas, moi je fais des photos très rarement, je fais des photos un peu comme tout le monde. J'ai une pratique plutôt d'amateur de la photographie, je fais des photos en voyage ou je photographie des amis, des gens que j'aime bien pour en garder un souvenir, quoi. Ça n'a pas une prétention professionnelle, enfin. Où commence la prétention professionnelle ? Prétention, non, enfin, j'ai eu tort de dire prétention. Non, enfin, c'est pas le mot, l'activité c'est professionnelle. Oui. Où commence l'activité professionnelle ? À partir du moment où on se dévoue un peu plus à la photographie, enfin où chaque jour on se met en... chaque jour on se dit il faut que je fasse des photos, donc on sort, on cherche. C'est la vie des reporters, quoi. Alors qu'est-ce alors que l'image fantôme ? Ah. Ben, c'est un texte que je me suis mis justement à écrire par regret des images, en fait. D'images impossibles d'images ratées, d'images que j'arrivais pas à faire, ou d'images comme je raconte au début du livre, d'une image de ma mère. Enfin, c'était le point de départ du livre, que j'avais pris la peine de faire avec beaucoup d'attention et qui finalement s'est révélée inexistante, vierge. Et donc c'était un peu douloureux dans la mesure où, en général, quand une photo est ratée, elle est ratée inéluctablement. Enfin, pas question de la recommencer. Et si on essaie de la recommencer, on est toujours en dessous, en général, du premier échec. Donc c'est désespéré, quoi. Pourquoi n'y a-t-il pas de photographie dans ce livre ? Ben, j'ai hésité, mais finalement, j'ai préféré mettre ce que j'ai appelé des fantasmes de photographie, c'est-à-dire des espèces de photographie virtuelle, enfin, que je rêverais de réaliser, mais qui sont certainement beaucoup trop compliqué à réaliser et qui demanderait une organisation un peu accablante, enfin qui me rebute. Donc je préfère les rêver et puis essayer de les traduire sur papier, quoi, de les écrire. Oui, mais il y a des photographies qui existent que vous aimez. Vous citez un certain nombre de photographies, même très précisément une photographie par photographe pour quelques-uns de ceux que vous aimez. Parce que j'ai pas voulu les montrer parce que d'abord, enfin, c'est assez rare, enfin, que je parle d'une photographie qui existe. D'abord, je suis amené à la décrire, donc je voulais pas que ça fasse un peu que ça se doublonne. Puis je voulais pas m'accaparer ces images, surtout ces images qui appartiennent à d'autres gens et qui font partie d'un travail étranger au mien, en fait. Même si je les prends en compte, même si je les aime, même si elles m'attirent. Comment ça, étranger au vôtre ? Ben, j'avais pas. Je sais pas, je savais pas si tel photographe, disons, je sais pas, Henri Cartier-Bresson, ou j'ai même pas pensé à lui demander, mais je sais pas s'il aurait été content de se retrouver dans ce livre qui est malgré tout pas, enfin, pas forcément un livre sur la photographie au sens où on l'entend. Enfin. Oui, c'est pas un essai sur la photographie. Non, pas vraiment. Enfin, c'est pas un livre. Vous avez l'air de dire que c'est presque un livre qui devrait être une honte pour les photographes. Non, pas du tout, non, non. Mais il n'est pas du tout écrit pour les photos. Non, mais comme c'est quand même l'idée un peu qui m'a mené, c'est ces images qui ne sont jamais sorties. Donc je trouvais mieux de tenir justement un peu le pari de faire un livre malgré tout qui parlait de la photographie sans montrer de photographie, quoi. J'essaye de faire repasser dans ma tête les diapos de mes magasins les plus familiers, les plus proches. Ils me semblent fixés à jamais, inamovibles. Ce sont eux aussi peut-être les plus abstraits, car je n'ai pas besoin de me les refigurer. Ils sont immédiats, ils sont là. Je voudrais m'en débarrasser, que je ne pourrais pas. Même des visages que je ne revois plus jamais, ils sont dans des couches de proximité différentes. Et je peux bien les faire passer d'un magasin à l'autre, les avancer ou les reculer, car il m'arrive de faire du rangement dans ces magasins, et parfois j'en jette, ou plutôt ils se jettent d'eux-mêmes, ils lâchent prise, ils laissent la place, ils sont comme biodégradables. Cette émission a été diffusée la première fois le 24 octobre 1981 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.